Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Jean Bosco, Douimane. La Cour constitutionnelle a rendu ce mardi son arrêt autorisant la coalition des partis politiques Volonté Bravos et le Parti Congrès National pour la Liberté de réaménager leur liste de candidats députés dans un délai ne dépassant pas 3 jours. Mais les militants CNL ne peuvent pas figurer sur les listes de cette coalition, précise l'arrêt. Les guides du maître pour la 5e année fondamentale sont déjà disponibles et devraient parvenir aux établissements scolaires avant la fin de cette semaine. C'est le directeur général des curricula et des innovations pédagogiques qui l'a annoncé. Les boissons brassées par la Braroudi se font de plus en plus rares à travers le pays, si bien que la plupart des cabarets sont fermés, notamment dans les quartiers de Bujumbura. Notre reporter nous dira son constat. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La coalition des partis politiques Burundi Bravos et le Parti Congrès National pour la Liberté sont autorisés à réaménager leur liste de candidats députés dans un délai ne dépassant pas 3 jours. C'est l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ce mardi au sujet des recours introduits par ces formations politiques suite au rejet de leur candidature par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les législatives en vue. Cette cour précise que les membres du parti CNL, dont le député Lwasa Agathon, ne peuvent pas figurer parmi les candidats députés de la dite coalition, étant donné que le CNL ne fait pas partie de la coalition. Cette mesure est saluée par cette coalition Burundi Bravos et son secrétaire général Kefani Wizi se dit prêt à réaménager les listes des candidats députés conformément à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. On l'écoute. Dans un premier temps, nous nous réjouissons que cette Cour nous a redonné l'autorisation, la possibilité de pouvoir entrer en compétition législative comme d'autres formations politiques. Vous savez que cette possibilité avait été hypothéquée par la décision de la CENI et qui annulait ou qui rejetait toutes les listes de candidats députés de notre coalition. Tel que la décision a été libérée, c'est vrai qu'on aurait aimé que nos listes soient telles que nous les avions constituées auparavant afin de rassembler toutes les potentialités et politiques pour les élections prochaines. Certes, nous estimons qu'il faut effectuer le changement de nos listes telles que ordonnées par cette Cour, étant donné que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est sans appel. Donc, dans les 3 jours, nous allons constituer les listes telles que recommandées par cette Cour. Et les guides du maître pour la 5e année fondamentale sont déjà disponibles. Et si rien ne change, ils vont parvenir à qui de droit avant la fin de cette semaine. Annonce faite par André Douimana, directeur général des curricula et des innovations pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. C'est après les lamentations des responsables des écoles que le second trimestre débute sans se livrer. Ce responsable indique que le retard est dû à la passation des marchés qui a connu des problèmes et appelle les enseignants à s'organiser pour chercher du temps supplémentaire afin de dispenser les cours non vus durant le premier trimestre. On l'écoute. Les manuels de l'élève ont pris en retard et nous sommes parvenus vers le mois de novembre. Il est bien entendu évident qu'on a connu ce retard. Mais je voudrais vous dire qu'avec le mois de septembre, nous avons mené la formation des enseignants sur la méthodologie de la nouvelle réforme et nous l'avons menée avec les livrets du premier trimestre. Ça veut dire que même si les enseignants ne disposaient pas de manuel de l'élève, ils disposaient du guide du maître. Alors, aujourd'hui, les guides du maître sont disponibles. Nous avons 6303 enseignants et nous avons élaboré plus de 6600 guides du maître. Et ces guides sont disponibles dans nos stocks à Kigobe. Les directeurs provinciaux de l'éducation ont été appelés pour les récupérer. Les livrets que nous produisons pour les élèves, ça couvre toute l'année. Et pour les guides du maître, le premier trimestre, ils ont leur livret. Je suis en train de vous dire que pour le deuxième trimestre, les livrets sont dans nos stocks. Et nous avons espoir que dans un mois, nous aurons la disposition pour le troisième trimestre. Je pense que le préjudice et surtout au niveau de la qualité des enseignements. Comme il n'avait que le guide du maître, vous comprenez que les activités comme la lecture, les activités comme les exercices qui sont dans le livre, le maître devrait les écrire. Ça consommait du temps. Alors, au niveau de la qualité, nous appelons les enseignants actifs à voir effectivement qu'est-ce qui était attendu au niveau des compétences des enseignants. Pour chercher ce temps, les directeurs peuvent organiser une journée supplémentaire pour le rappel, si vous voulez, des notions qui n'ont pas été bien maîtrisées. Au moment où les syndicats des enseignants demandent que les marchés soient octroyés aux entreprises locales, le directeur général des curricula et des innovations pédagogiques souligne que le marché est ouvert à tout le monde, mais le constat est que les entreprises burundaises n'ont pas la capacité de produire en quantité et en qualité exigée, a-t-il déclaré. L'Assemblée nationale a adopté ce mercredi le protocole de la communauté est-africaine sur les réseaux de technologie de l'information et de la communication, signé par les ministres en charge des TIC le 23 août 2013 à Kigali. Le ministre burundais en charge des télécommunications, Léocadie Ndacayisaba, a dit que cela permettra au Burundi la facilitation de l'interconnexion transfrontalière et servira de guide pour tirer profit des opportunités offertes par les télécommunications TIC, qui sont des catalyseurs essentiels du développement économique et de l'intégration régionale. Jean-Marie Mayonga pour les détails. Les députés ont voulu savoir comment les sociétés de téléphonie mobile autorisent la vente des cartes de recharge dans les coins où il n'y a pas de connexion pour téléphoner ou utiliser l'Internet. Je ne comprends pas comment une société de téléphonie mobile met en place la vente des mégas dans des localités privées de connexion. Qu'est-ce que vous prévoyez pour aider les gens qui utilisent l'Internet au moment où vous venez de dire que vous êtes en train d'installer l'Internet Starlink accessible? Est-ce que ceux qui sont à l'intérieur du pays pourront l'avoir? Léocadie Ndacayisaba, ministre des Télécommunications, a répondu que cela est dû au nouveau quartier créé alors que ces sociétés n'y avaient pas encore installé les antennes pour faciliter les communications. Il y a des endroits où ils ont créé des quartiers alors que ces sociétés n'ont pas encore installé les antennes. C'est pour cette raison que les connexions sont lentes. Mais ils nous ont promis que cette année, ils vont améliorer la situation en augmentant le débit jusqu'à 30%, quittant 4G jusqu'à 5G, et pour que le Burundi soit sur la même longueur d'onde que d'autres pays. Abel Gachatsi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, et de son côté, il ne comprend pas comment les abonnés peuvent acheter des unités et dans quelques minutes, s'ils le regardent, ils trouvent qu'il n'y a rien dans le téléphone alors qu'ils n'ont pas été consommés. À cette question, Léocadie Ndacayisaba répond que la protection des droits des consommateurs est une chose importante et c'est à la RCT et c'est l'ARCT qui est chargée de cette question. Après analyse de ce protocole, 114 députés l'ont adopté, un seulement l'a refusé. Jean-Marie Mayong. La Confédération des syndicats libres du Burundi, CSB, apprécie l'initiative prise par le ministère de la fonction publique de corriger les erreurs constatées dans la mise en application de la politique salariale, notamment en matière de détermination des emplois types. Au moment où des irrégularités persistent, le président de cette confédération estime qu'il y a une catégorie d'acteurs non impliqués, à savoir les représentants des travailleurs. Gilbert Nyawakila estime que le ministère devrait les associer pour qu'il n'y ait plus d'irrégularités. Il le dit après que le ministre de la fonction publique ait appelé ce mardi les chefs de différents services à s'impliquer activement dans la correction de ces irrégularités. Suivez-le. Je suis effectivement très content que le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi ait pensé à corriger les erreurs qui viennent malheureusement de durer à peu près plus de 2 ans. Mais comme on le dit, ça vaut mieux tard que jamais. Dans cette correction, évidemment, il y a une équipe qui n'est composée que par les travailleurs de la fonction publique. Mais comme d'habitude, je le dis bien, c'est une habitude qui s'était installée, qui absolument doit rester, c'est que tout ce qui concerne les travailleurs, on doit associer les représentants. Nous déplorons que quand même, il y a eu cet oubli. Je ne sais pas si ça existait expressément fait ou ça a été un oubli. Et je le dis en tout état de cause que ce n'est pas trop tard pour mieux faire. Pour mieux faire, qu'est-ce que je veux dire? Nous disons que, comme je disais, que c'est une habitude qui est déjà là, que le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi ait le courage et l'amabilité d'impliquer les partenaires sociaux, je veux dire ici, les représentants syndicaux. Je dois vous apprendre ou porter à votre connaissance que les syndicats à juste titre, ils ont été associés dans la formulation de la politique et jusqu'à la fin. Nous devions aussi participer à la correction des erreurs et au suivi de la mise en œuvre de cette politique, parce que nous en sommes aussi des initiateurs. Si alors c'était une erreur, je dis bien c'est une erreur parce qu'elle est corrigible. Je pense que le ministre, ici interpellé, ne devrait pas prendre du temps pour changer et impliquer ceux-là qui représentent les travailleurs. Comme le disait Mahatma Gandhi, tout ce que vous faites pour moi, ça, moi, vous le faites contre moi. Je pense donc que le ministre ne devrait que impliquer ces derniers. La rareté des produits Braoudi est toujours observée dans différents coins du pays, surtout au chef-lieu des provinces, ainsi que dans de grandes villes du pays, alors que la Braoudi fait toujours des approvisionnements. Ces produits passent un laps de temps dans des bars et par endroits, la condition posée pour être servie est la commande d'une brochette. Les consommateurs de la Sainte-Monse demandent au gouvernement de résoudre ce problème qui ne fait que durer. Le constat d'Evariste Nzikobanyanga qui a fait le tour dans différents cabarets de la ville de Bujumbura. Que ce soit au nord, au centre et au sud de la capitale économique Bujumbura, la plupart des cabarets sont fermés suite à la carence et des produits Braoudi. Là où ces débits de boissons fonctionnent, c'est au moment où ils sont servis et la vente est dure un laps de temps, car ceux qui sont à la recherche de ces produits sont loin supérieurs à la quantité disponible. D'autres informations recueillies indiquent que les propriétaires des débits de boissons cachent ces produits pour les vendre aux prix exorbitants, en violation des prix officiels. Là où ces produits Braoudi sont officiellement vendus, plusieurs conditions sont exigées à celui qui veut de la bière avant d'être servi. C'est notamment la commande à la brochette, sinon leur rentre assoiffée selon les mêmes informations. Ailleurs, comme à Bouiza, nous sommes au centre de la capitale économique Bujumbura. Les produits Braoudi ne sont pas servis aux vrais bénéficiaires. Le constat est que ces produits sont chargés dans des véhicules vers des destinations inconnues. Les personnes les plus âgées recommandaient à prendre de l'Amstel Royal la moins sucrée. Aujourd'hui, sans savoir à quel saint se vouer, et se livre à l'Amstel Blonde, à l'Amstel Bock et au Primus, l'on dirait qu'elle ne souffre plus de la glycémie. Cela étant, le chef de l'État, au cours de l'émission publique du 27 décembre l'année dernière, a appelé le ministère en charge du commerce à réguler les prix des marchandises pour lutter contre les spéculations. En ayant 15 jours, les amateurs de la Sainte-Mousse en mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de résoudre ce problème de pénurie des produits Braoudi qui durent longtemps. Il est à noter que la Braoudi est parmi les premiers contribuables du pays. Évariste Nzikobanyanga. Une personne a déjà été emportée. Plus de 5 maisons du quartier Gasekeoui est détruite suite aux eaux de ruissellement en provenance de la colline Gikoto en zone Moussaga et qui se déversent sur les berges de la rivière Mimba, ce qui constitue une menace sérieuse sur les maisons construites dans les environs. Les habitants de ce quartier affirment qu'ils vivent la peur au ventre et demandent aux autorités d'intervenir étant donné que leurs initiatives n'ont pas abouti. Un appel également lancé par la chef du quartier Gasekeoui qui indique que l'Oboura avait effectué une descente sur les lieux, mais que rien n'a encore été fait. Un reportage de Sheila Irambona. Comme le témoigne ces personnes, leur maison se trouvant dans la cellule Mimba, une localité se trouvant sur les berges de la rivière Mimba du quartier Gasekeoui, sont menacées par les eaux de ruissellement en provenance de la colline Gikoto. Ils indiquent qu'en cas de pluie, beaucoup d'eau proviennent de cet endroit. Les eaux qui ruissellent se déversent sur les berges de la rivière Mimba, défragilisant. Suite à cela, des maisons ont été emportées. Les gens, en construisant leur maison, n'ont pas pu laisser des canalisations, raison pour laquelle l'eau a cherché son propre chemin tout en passant dans les ménages, ce qui a causé ce problème de la rivière Mimba. Selon l'administration de cette localité, plus de 200 personnes sont concernées par cette situation. Et parmi elles, il y a des familles qui ont des enfants en bas âge. Toutes ces personnes demandent à ce que des autorités leur viennent en aide. Nous vivons dans des pires situations à cause de ce ravin. Nous y passons la peur au ventre et nos enfants risquent d'y tomber à chaque fois, car ils jouent à côté de ce ravin. Les habitants de cette localité de la deuxième avenue à côté de la rivière Mimba sont en danger. Le chef de ce quartier a déjà pris la mesure de collecter une somme de 30 000 pour chaque ménage pour faire les travaux d'urgence, mais ces travaux n'ont pas encore commencé. Nous demandons au gouvernement d'intervenir le plus tôt possible pour sauver notre vie. Un appel également lancé par la chef du quartier Gasekebouye qui indique qu'une équipe de Lobouha avait déjà fait une descente sur les lieux. Nous avons envisagé de collecter un fonds équivalent à 30 000 francs par ménage pour acquérir des tuyaux d'évacuation. Mais nous avons vu que le fonds collecté est insuffisant. 3 à 30 000 francs, c'est peu par rapport aux besoins. Nous implorons au gouvernement d'intervenir pour sauver la vie de cette population qui est en danger. Selon ces habitants de Gasekebouye, cette rivière Mimba menace également les maisons du quartier Gitaramuka. Ils indiquent craindre que si rien n'est fait, les ravins peuvent également emporter des maisons qui sont de l'autre côté. Parle, rassure-moi. Cette chronique ce mercredi revient sur la lutte contre les messages appelant à l'insurrection en période de conditions de vie difficiles. Des habitants de la commune Outaganzo en province Ruyigui trouvent que les insurrections aboutissent au déchirement du tissu social. Des avis partagés par Lambert Hakuzi Yaremye, expert socio-anthropologue, qui suggère que des solutions soient trouvées et que chacun prenne le temps de réfléchir avant de s'engager dans ces mouvements, car lourds de conséquences. Mireille Kanyang. Se basant sur les conditions de vie difficiles, certains individus appellent à des insurrections afin de pousser les gestionnaires du pays à trouver des solutions aux problèmes auxquels fait face la population. Prenant l'exemple des insurrections qu'a enregistré le Burundi, Lambert Hakuzi Yaremye, expert socio-anthropologue, explique que les insurrections ont des conséquences néfastes sur la cohésion sociale. Dans le passé, notre société a connu des insurrections de différentes natures. Je crois que les conséquences sont énormes parce qu'une fois qu'il y a les insurrections, on l'a constaté en 2015. L'autre conséquence, c'est sur le plan économique toujours. Les gens, au lieu de s'atteler beaucoup plus aux travaux de développement, ils sont dans la rue pour manifester, pour dénoncer les choses. Et du coup, c'est la situation qui s'aggrave davantage. Je pense que les manifestations, d'abord, avec ces différentes attitudes et les différentes motivations, ça peut nous amener à remettre en cause une fois le lien social, la cohésion sociale entre les Burundais. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas une homogénéité des idées par rapport à cette situation. Il y en a qui sont satisfaits, je ne sais pas, et qui disent, bon voilà, ces gens-là sont les ennemis du pays. Les conséquences de tels discours sont fâcheuses sur la communauté, notent également des habitants de la colline Ebatie, en commune Butaganzo de la province Ruyigi. De tels messages ne sont pas enregistrés en commune Butaganzwa, affirme Théogène Bangura, conseiller communal au développement, qui indique que si de tels messages sont tenus, la justice joue son rôle. L'expert socio-anthropologue suggère que les gestionnaires du pays trouvent des solutions aux conditions de vie difficiles. Pour ne pas arriver à cette situation, je pense que les différents acteurs concernés par la question de l'économie du pays, c'est le bon moment pour s'asseoir et chercher les solutions face aux défis concrets qui hantent la population burundaise. Dans ce processus de recherche des solutions, c'est tout le monde qui est concerné. Il y a la population, les habitants qui ont des obligations, qui ont des responsabilités à l'emplir, c'est notamment s'attirer aux travaux de développement. Mais du coup, il y a d'autres institutions ou structures qui sont à la charge d'aider ou d'accompagner ces populations. Donc chacun, en ce qui le concerne, doit fournir le maximum d'efforts. Je crois que les gestionnaires doivent prendre toutes les mesures pour préserver la richesse nationale, mais aussi pour assurer une redistribution équitable des ressources de l'État, et cela pour améliorer les services à tous les niveaux. Chacun, dit-il, devrait prendre du temps et penser aux conséquences sur lui et sa communauté avant de s'engager dans des insurrections. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro.